Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et je ne suis pas seul cette semaine. Non, pas d'invité, mais plutôt le club de lecture de La Vie en BD, formé de nos libraires en résidence, que je salue d'ailleurs d'entrée de jeu. Jérôme Vermette du côté de La Liberté, bonjour. Et je vais ouvrir ton micro, ça va être déjà plus facile. Jérôme Vermette, bonjour. Bonjour, bonjour. Édouard Tremblay de Pantoute, bonjour. C'était pas voulu qu'on son micro soit fermé? On va le fermer juste pour les débats s'il y a lieu. On s'était pas dit pour Jérôme, ferme le micro. Alors, palsambleu, Raymond, et ventre saint-gris à tes auditeurs. Et donc, Marco Duchesne de Pantoute également, salut. Moi aussi. Évidemment, l'expression d'Édouard n'est pas due au hasard. En fait, Édouard n'est jamais dû au hasard. C'est un être fort peu hasardeux. Dans le fond, la thématique... Un coup de dé n'abolira jamais notre Édouard. Oui. Non. Et dans le fond, par contre, un dé et dé peut-être, là, mais un dé seul, non. Non. Oh, là, ça commence à être... Mais bref. Dans le fond, l'expression nous amène vers donc la thématique du club de lecture de ce mois-ci où on parle de bande dessinée et de du Moyen Âge dans la sphère de la bande dessinée. Alors c'est la thématique qui a été sélectionnée par Jérôme pour ce mois-ci. Je rappelle le concept pour ceux qui nous rejoignent inopinément cette semaine. Concept d'ailleurs que vous pouvez voir exprimé au fil de différentes itérations sur le blog de La Vie en BD, lavieenbd.wordpress.com. Alors en termes donc d'approche. Donc, on se propose 4 albums. Donc, à chaque mois, il y a un des membres du club de lecture qui choisit la thématique et les 4 albums qui y sont associés. Chaque participant au club de lecture lit ou relit les albums qui ont été proposés. Et l'objectif, évidemment, est d'en faire un commentaire fort instructif au fil d'une heure d'émission. En espérant toujours que Marco questionnera pas ma santé mentale après chaque... Ben, en fait, Barbe Bleue, non, c'était pas ça. Pourtant, j'avais l'impression d'être plus classique, donc... Non, c'est assez réussi, ton choix. Bon, ouais. Excellent. Je vais présenter rapidement nom des 4 titres, donc ça sera fait. Alors, dans la série Gêne, Barbe Bleue, donc de Jacques Martin et Players... Jacques Players, il y a Payot avec donc le maître de Rossibeuf. On a donc ça c'est chez Dupuis, également chez Dupuis. Donc on va dans une sélection un peu plus moderne avec L'âge d'or, le premier tome de Roxane Moreil et Cyril Predrosa. Et enfin du côté de Moelle Graphique, on a Advocatus Diaboli, donc de Christian Quesnel. Donc les 4 titres de Jérôme. Alors, je rappelle le déroulement. Donc, on va présenter tout d'abord. Donc, Jérôme va nous expliquer pourquoi il nous a fait lire ces 4 titres, nous les présenter. Et ensuite, on se lance un peu au hasard au fil des jeux de dés du destin. Et on va voir qu'est-ce qui va en ressortir. Alors, Jérôme, je te laisse la parole. Je vais y aller plus dans un autre ordre que celui que tu as donné, par exemple. Donc, premièrement, je vais commencer à tout seigneur, tout honneur pour moi par Payot, qui reste toujours, Joël Pierre-Louis reste toujours de tout temps une de mes séries favorites que j'ai découvert très jeune, évidemment, et puis je trouve que ça reste encore une superbe réussite. Au niveau du déroulement de récit, bref, c'est très classique, hein, le scénario, la manière dont le scénario, le dessin qui est toujours une mise en scène simple mais efficace constamment, donc... Et j'ai choisi le Maître de Rossibeuf pour les raisons suivantes. La première, c'est que c'est le premier album où Johan, qui est sa deuxième apparition dans le journal de Spirou, mais qui, vous avez vu là un peu là, l'album intégral que je vous ai prêté pour lire le récit en question. Johan avait déjà une longue histoire derrière lui en tant que page du roi. Mais le Maître de Rossibeuf, c'est celui où il prend l'image qu'il a en termes graphiques, mais également qu'il va prendre de plus en plus d'assurance en tant que personnage. C'est comme s'il avait maturé, ni plus ni moins. Et aussi, on voit déjà un peu ce qui caractérise le Moyen-Âge de Payot, selon moi, dans Le Maître de Rossibeuf, c'est-à-dire, et là je vais me permettre quelques liens... tout au long de ma présentation, quelques liens littéraires médiévales. Pour moi, Payot joue la carte du Moyen-Âge de Chrétien de Troyes. Je vous explique pourquoi. C'est qu'on est carrément dans une époque féodale où les seigneurs me semblent toujours plus importants que le roi. Le roi de Payot, qu'on sait jamais c'est lequel, mais pourrait très bien être, selon la représentation, Louis VI le Gros, est un roi plutôt faiblard en termes de caractère. D'ailleurs, je pense pas me tromper en disant que c'est le seul château dans toute la série qui est jamais sur un piton rocheux ou surplombe un bourg. Il a l'air perdu dans la forêt et tout ça. C'est le lieu d'où les aventures partent. Donc, pareil comme les chevaliers de la table ronde de Chrétien de Troyes, le roi Arthur est plutôt fainéant. Il ne fait pas grand-chose. Il est là pour soutenir les gens qui partent à l'aventure. C'est un peu ce que Johan fait. Et les seigneurs que Johan rencontre sont toujours nettement plus, ont toujours nettement plus de caractère que le roi lui-même. Donc, c'est un peu pour ça, entre autres, que ça me fait penser au Moyen-Âge de Chrétien de Troyes. Ça, plus l'aspect de la série qui est fort intéressant, c'est que ça oscille souvent entre l'aventure, le récit policier également, pas juste pour celui-là, mais pour d'autres albums comme L'Anneau des Castellacs, par exemple, mais aussi souvent des moments magiques. Hein? Il y a des moments plus fantastiques, comme la flûte à six schtroumpfs, où apparaissent les célèbres lutins bleus pour la toute première fois, et non pas dans leur propre série. La source des dieux, etc. Donc, je trouve toujours que c'est une série qui est vraiment formidable là-dessus, tant au niveau de l'aventure qu'au niveau des personnages également. Pierre-Louis, donc, lui, va devenir le personnage peut-être plus populaire que Johan, va apparaître plus à l'album suivant. Mais bon, le maître de Roussibeuf, qui mélange aventure et roman policier, je trouvais que c'était une entrée de jeu intéressante pour parler de Peyo. Totalement différent, mais également classique, c'est l'album de Jacques Martin et... là, j'ai oublié le nom du dessinateur. Marco, Players. S'il te plaît. Players. qui copie, comme Jean on disait Players. Tantôt, à fond la caisse, le dessin de Jacques Martin qui... En fait, c'est un de ses élèves. Moi, ouais, ben, c'est ce que je me doutais, là, effectivement. Oui. Donc, c'est Barbe Bleue. J'ai choisi l'album Barbe Bleue pour montrer à quel point le personnage de Martin est nettement plus intriguant, plus hors norme que, mettons, Alix, qui est plus connu, là, je crois, là, de Jacques Martin. Jean, qui est un personnage qui est obsédé par sa création de cathédrale, compte parmi ses meilleurs amis Gilles de Rais, qui est bien connu pour être le célèbre Barbe Bleue qui avait combattu aux côtés de Jeanne de France, Jeanne d'Arc, ouais, excusez-moi. Donc, et dont on parle un peu dans l'album. Ce que je trouve intéressant dans cet album-là, qui pourtant ne va pas, à part peut-être une scène dans le sordide, et par la scène dont je parle, c'est celle où Gilles de Rais tient une tête d'enfant, là. Elle ne va jamais dans le sordide, tout est plutôt sous-entendu constamment, mais il y a un malaise, je trouve, constant dans la relation entre Jean et Barbe Bleue, qui, en même temps, est présenté d'une manière charismatique et plutôt presque sympathique, mais on sait pourtant que il s'adonne à des trucs plutôt sordides, là. Et c'est à peine, c'est caché dans le récit, mais on n'a pas besoin de chercher loin, là, pour savoir ce qui peut se passer dans cette histoire-là. C'est un récit un peu difficile peut-être à suivre parce que il n'y a pas de fil d'Ariane nécessairement dehors des personnages, hein. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans cette histoire-là. Par contre, je la trouve particulièrement intéressante dans sa représentation du Moyen-Âge, autant celle de Peyo est plus très années 50, un peu à la Walter Scott, autant celle de Jacques Martin. Jacques Martin avait déjà avoué qu'il était très féru de Viollet-le-Duc et de son célèbre encyclopédie de dessins de tout monument médiéval de cette époque-là, et ça paraît énormément dans ses décors, toujours dans les décors extrêmement étudiés, les costumes et tout. Et Barbe Bleue, là où Peyo est plus dans le Chrétien de Troyes, Barbe Bleue, Jacques Martin est plus dans, selon moi, le style Froisseur et Grande Chronique de France. Là, on raconte une histoire, on raconte presque l'histoire de la France, finalement, du moins à la fin et après la guerre de Cent Ans. Pour le troisième album, dans un genre, les deux autres albums sont dans un genre totalement différent selon moi. J'étais allé classique au début, et les deux autres, on est plus dans souvent le symbolique. Je vais commencer par Advocatus Diabolique, l'album québécois que j'ai choisi pour le thème d'aujourd'hui, de Christian Quesnel. Christian Quesnel, qui est connu là, beaucoup cette année, il a fait un album sur Félix Leclerc qui a fait beaucoup parler, là. Donc ça, c'est plus méconnu, ça lui a pris quand même un certain temps avant de trouver un éditeur. Je trouve que Moelle Graphique et toute maison d'édition de Québec a fait un très beau travail d'édition. Il faut vous faire remarquer également qu'il s'agit, dans le cas de Christian, du résultat de sa maîtrise en recherche et création qui le fait en même temps que Tom, au moment où Tom dessinait 7, et les deux s'auto-référencent d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc, Christian Quesnel, vous avez vu un personnage qui a une tête de lapin dans 7, comme l'album de Quesnel parle du sueur de Turin. Dans 7, à un moment donné, ben, il y a le personnage principal se fait mettre un drap sur la tête, et puis il en ressort, c'est la face d'Edgar Allan Poe. C'est comme un clin d'œil que tous les deux se sont fait pendant qu'ils travaillaient. Enfin, anecdote. L'album de Christian Quesnel, donc, discute d'abord et avant tout de la légende du sueur de Turin. Ben, la légende du sueur de Turin existe, mais est-ce que c'est vraiment la face du Christ qu'il y a dedans et tout ça? Donc, on sait que ça a été beaucoup étudié. Il y en a qui y croient dur comme fer. Il y en a d'autres qui, pour eux, c'est une totale supercherie. C'est pas là l'essentiel de l'album. L'album, lui, oscille constamment en deux époques, évidemment. Donc, le Moyen Âge, l'album se déroule peut-être 100 ans avant l'album de Jacques Martin, donc en pleine guerre de 100 ans, mais manifestement dans les premières décennies. Et donc, oscille entre l'époque médiévale où le personnage Geoffroy devient gardien officiel de la Sainte Relique du Sueur de Turin. Il fait tout pour la protéger et des épisodes au 20e siècle où un chercheur américain qui existait pour vrai d'ailleurs travaille sur le sueur de Turin, donc fait des recherches biochimiques pour prouver si oui ou non ça pourrait être le sueur qui a abrié le Christ. C'est un album qui, au niveau de l'image, est totalement différent des deux autres. On est dans à la fois dans le... On sent que ça oscille entre le réalisme, mais aussi il y a beaucoup d'imagerie très... Quesnel se donne beaucoup dans l'imagerie très fantaisiste quand même, dans ses chevaliers, qu'il avoue lui-même, bon, pour ceux qui l'ont spoté, très inspiré de la culture métal, je tiens à dire, qui est elle-même très influencée par le Moyen-Âge. Donc Geoffroy, ceux qui peuvent avoir remarqué, ressemble souvent à Ozzy Osbourne. Son personnage, le personnage qui l'accompagne, son meilleur ami, je me rappelle plus du nom, excusez-moi, et je n'ai pas reconnu le musicien, mais c'est clair que ce gars-là est norvégien. Même au niveau des armures, du bateau, éventuellement, qui a l'air d'un dracard là, très très métal. Donc, c'est un album... Des maquillages, je pense, un bout de temps. Il y a le prince Édouard qui a vraiment un maquillage de chanteur de rock métal. Oui, tout à fait. Et, petite anecdote, le roi de France, c'est Christian Quesnel lui-même qui a servi de portrait. Donc... C'est l'époque médi-métal. Ouais, si on veut, mais dans le fond, on parle là de deux choses qui, de toute manière, sont très influencées par l'imagerie médiévale. Puis bon, l'album de Quesnel, au centre de son travail de création, il y a toujours il y a un élément qui est important, selon moi, et on pourra en discuter si vous trouvez qu'il a réussi ou non, mais c'est les changements temporels qui sont toujours très importants, qui doivent être pour lui inclus dans l'image. Je pense entre autres à cette image du chevalier avec sa lance qui devient un avion, par exemple. Donc, le passage du Moyen-Âge au 20e siècle se fait à l'intérieur de la même image. Un élément que je trouve très intéressant dans cet album, c'est que la majorité des planches, presque chacune d'entre elles, est en soi une œuvre d'art. Donc, il y a un gros travail là, graphique que je trouve tout à fait magnifique dans cet album. Le dernier album, en passant celui-là, pour moi, au niveau littéraire, on est plus proche du roman de Renard, c'est assez évident. Donc, certains personnages qui sont présentés en version animale, dont entre autres le personnage principal qui est lui-même un renard, le roman de Renard, hein, le personnage du renard qui est à la fois héroïque mais dangereux. Va tromper ses amis, peut même violer la reine ou des choses comme ça, mais en même temps, il est le héros du roman. Donc là-dedans, on a encore là un personnage plutôt ambivalent avec le Geoffroy. Dernier album, lui, c'est mon roman de la rose. Donc dans la hyper symbolique, l'âge d'or de Pedrosa. Je dis Pedrosa parce que pour moi, c'est lui le héros de l'album, là, encore. qui a fait un album au niveau graphique complètement différent de son travail sur Portugal et Equinox. Cette fois-là, il a, au lieu de faire ses, ses aquarelles avec un trait lâche en arrière. Tout ça, là, on est vraiment dans un aspect où on dirait que chaque couleur a été posée sur la feuille et que rien dépasse et tout ça. Et je trouve même que visuellement, l'album ressemble par moments carrément à ces tapisseries, comme la tapisserie de Bayeux et tout ça, où les personnages sont à l'intérieur de ce qui semble être une même case, mais ils avancent vers quelque chose constamment. Et ça, ben, Pedrosa le fait souvent dans l'album. Au lieu de faire des gouttières, le mouvement se fait dans la même case. On va avoir quatre fois le même personnage qui est représenté. Donc, au niveau visuel, c'est très, très inventif, tant au niveau des couleurs que de la séquence. Évidemment, je dis c'est mon roman de la rose parce qu'il est très allégorique à mon sens, entre autres le personnage de Tilda qui fait souvent des rêves ou des visions. Mais en même temps, c'est pratiquement une bande dessinée de la Révolution française, hein, parce que le peuple dans cet album-là se révolte contre les nobles qui sont présentés d'une manière assez désagréable, mais on a quand même le Tancrède qui, lui, est manifestement le noblion qui est pas nécessairement défavorable au peuple, même s'il considère que c'est pas pour rien que ça fonctionne comme ça fonctionne. Enfin, évidemment, c'est un premier tome. On sait pas encore comment cette histoire-là va finir, mais le fameux âge d'or fait référence à une théorie qui me semble tout près tirée de Rousseau, c'est-à-dire qu'il fut une époque où les humains ont vécu tous égaux et puis fonctionnaient tous ensemble pour que tout le monde aille bien. Et c'est ce fameux âge d'or qu'on cherche dans notre évolution à mettre en place. Donc voilà, c'est la présentation de mes albums. Excusez-moi si ça a été long. Merci, on va y aller. Jérôme, Vermette, oui. Maintenant, l'émission est terminée. C'est une bonne heure de radio. Alors, ben, je ne sais pas qui d'Edouard, peut-être en fait j'aurais tendance à lancer soit Edouard, soit Marco, le mérite de se lancer comme avec l'album de son choix, comme le veut la tradition, Edouard. Comme le veut la tradition, j'irai donc, et je commencerai dans le même sens que Jérôme, parce que j'avoue que quand j'ai su qu'il nous mettait Joanne et Pierre-Louis, j'étais moi aussi très, très, très, très, très heureux. On en a déjà parlé d'ailleurs. Non, c'est ça, on a pratiquement le même âge, on a grandi avec Peyo. Ouais. Mais encore plus, justement, au-delà de Peyo, dans Joanne et Pierre-Louis, il y a cette espèce de manichéisme rassurant qui va interpeller pour un jeune garçon, une jeune fille qui lit ça. Je veux dire, un personnage comme Johan, tu sais, ce jeune premier qui est fidèle à son roi, qui est plein de belles valeurs, qui est plein de noblesse, de dynamisme et tout. C'est l'esprit chevaleresque incarné. Mais qui dit quand même à l'aubergiste, amène-nous à manger, manant. Oui, mais ça, c'est l'époque, là. C'est la même façon qu'on contextualise un savoir. Et d'ailleurs, justement, bon, la relecture, je me suis rendu compte aussi, c'est que au-delà de ce côté très justement aventure enfantin et tout, reste qu'il y a des aspects hyper sérieux, hyper sombres dans cet album-là. Je veux dire, on parle d'empoisonnement, ouais. On parle de bûcher pour la sorcière, on parle de ouais. Je veux dire, il y a quand même quelques thématiques très sombres, mais à mon avis, loin de justement desservir le truc, c'est ce que moi je trouve qui est essentiel, justement, d'arrêter de donner aux jeunes lecteurs, aux lecteurs, des mièvreries où on occulte, en fait, la véracité des choses, à quelque part. Là. Mais tu vois, dans cette logique-là, Jérôme, tantôt, disait, ben, on est un peu dans l'idée de Chrétien de Troyes, peut-être en termes de structure de récit, mais je trouvais que, et de façon générale, Joanne et Pierre-Louis nous amènent aussi beaucoup dans l'idée du médiéval qu'on se faisait dans le cinéma des années 50. Dans le fond, c'est du Errol Flynn, c'est du cap et d'épée. Ça me faisait beaucoup penser au Ivan Noé de 1952, d'ailleurs, justement. Oui. Et donc, on est en plein dans cette ambiance-là qui est servie par le manichéisme dont tu parles, dans le fond, qui vient parce que on est dans les années 50, c'était pas l'époque où on faisait des zones de gris, c'était du noir et blanc. Quand on parlait de chevalier, ben, on se retrouvait dans cette dynamique-là. Donc, il y a cette consonance-là, mais à laquelle aussi, et ça, c'est peut-être parce que moi, je venais de terminer des lectures un peu d'Agatha Christie dans ma vie personnelle, mais on est dans la dynamique aussi du mystère, d'une mini-enquête policière qui se fait, mais au-delà des combats qui sont savamment orchestrés par Peyo, il y a une dynamique justement de Who's Done It avec une petite analyse. Donc, on joue un peu avec différents styles littéraires, si on peut dire, qui étaient prévalents à l'époque aussi. Et même malgré justement cette division, ce manichéisme-là, c'est un manichéisme qui repose, et encore une fois, je pense que c'est apporté au crédit de Peyo, c'est pas un manichéisme qui repose justement entre la division sociale, c'est-à-dire que c'est pas tous les chevaliers sont bons et les manants sont tous mauvais, ou inversement, comme on avait tendance à le faire, par exemple, avec un certain film sur un certain dernier samouraï. Mais bon. C'est parfait. Puis le point que tu amènes est important, parce que, par exemple, la figure de la sorcière Rachel, c'est une personne qui a des bons côtés, puis qu'on met en place aussi, qui va servir ailleurs dans la série. Qui revient, puis que, dans le fond, qui montre que même les manants et les autres, les sorciers autres, sont pas nécessairement non plus mauvais. C'est ça, c'est une question d'intérêt, c'est une question de qu'est-ce qu'on cherche ou comment on respecte ou non les valeurs du temps, non, ça, c'est, ça, je pense qu'il y a quelque chose aussi. Et oui, des combats, quel dynamisme dans les combats, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment un des points forts de la série, la mise en scène des combats constamment dans la série. L'action dans cette série-là est toujours l'école de Maricel. L'école de Maricel, c'est extraordinaire comment toute cette génération de dessinateurs-là ont appris à capter le mouvement. Ouais. En fait, aujourd'hui, on peut s'asseoir ici et chanter les louanges de Franquin avec ce mouvement qu'il a réussi à intégrer dans une seule case, mais il vient de là, là. C'est-à-dire que Peyot, Maurice, les combats de Luc et Luc dans les premiers, écoutez, ça swing, là. Je veux dire, c'est l'équivalent de Duke Ellington en jazz, là. C'est ça swing. Bref, c'est quand même honorable. C'est l'école de Maricel qui veut ça. Et je vous écoutais et j'ai réalisé que, ben oui, Peyot, toute cette génération-là, leur Moyen-Âge, en fait, c'était dans les dessinateurs, leur premier job était souvent d'illustrer des romans, des livres jeunesse, mais souvent qui sortaient du Moyen-Âge, Ivan Noé. Le roi Arthur, la table ronde, il les illustrait d'abord et ensuite. Et là, je me dis, ah oui, ça correspond aux États-Unis avec, avant les super-héros, les dessinateurs, il y a eu les comics de genre, oui. Le romantisme, le western. Et il n'y avait pas de Moyen-Âge pour les Américains. Et c'est la littérature de genre pour les Français était évidemment le Moyen-Âge. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est leur histoire. Pour les Américains, c'était le Western, ouais. La Deuxième Guerre mondiale. En Amérique du Nord, on a eu Foster, là, avec... Ouais, un peu, mais il y avait très peu de science-fiction, et ça. Mais, alors, les Français, eux, c'était leur... ce qui meublait leur imaginaire, je pense, était... Et là, dans ta continuité, effectivement, c'est tous les Français, sauf peut-être Kenel, mais même dans le moderne, on a toute la vision de ce Moyen-Âge-là qui avance à travers les... Mais c'est vrai qu'on le retrouve quand même un peu moins dans la culture populaire américaine, dans les œuvres qui sont majeures. Ben, dans le fond, eux avaient déjà l'Ouest comme espace mythique, mythologique. Donc, il n'y avait pas nécessairement besoin de se rabattre au Moyen-Âge. Il y avait d'autres mythes fondateurs à explorer. Peut-être, en fait, si je fais un peu de la surenchère. Non, mais un peu comme ici, le Moyen-Âge, on ne l'a pas vécu de première main. Nous, il n'y a pas de ruines, il n'y a pas de château ici. Naissance, c'est la colonisation française. Là, qui n'est pas très prévalente en bande dessinée non plus, cela dit. Là, la colonisation ici. Y avait-tu Jean le Québécois dans le temps? Non, mais c'est ça. Et tu sais, c'est. En fait, c'est l'héritage. Les dessinateurs, c'est l'héritage de leur histoire là, quand t'arrives. Et ce choix-là. Et on voit l'évolution. T'as vraiment pris 4 albums qui sont situés dans le temps. Dans le temps qu'ils racontent, mais dans le temps où ils ont été créés, c'est-à-dire Peyot, ensuite Jean pour Martin et Pleyus, et ensuite, et là on voit l'évolution, là, Peyot raconte l'histoire de Chevalier à une époque où il n'est pas nécessaire de détailler les décors. Non, il n'est pas nécessaire de détailler. On se sert de... Là, vous êtes les historiens, évidemment, vous arrivez à situer peut-être le roi, vous arrivez à situer... Ouais, moi, je m'amuse avec ça. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, tandis que si on avance, Martin et Pleyus avec Jean, Martin et Pleyus arrive à une époque où on s'adresse à peut-être à des gens un peu plus vieux, parce que le lectorat a vieilli. Et là, on décide de raconter des histoires un peu plus... Il y a 30 ans entre les deux albums, d'ailleurs. D'ailleurs, non, c'est ça. Et là, avec ce... avec cette façon de faire. Alors, on se dit, on va y aller avec plus de détails visuels, plus de détails historiques. Mais, et on met de côté la simplicité qu'il y avait peut-être dans, le, dans les premiers albums, qui font aussi, qui sont ancrés justement dans, dans, la, dans leur période de production. Tu parlais d'œuvres qui sont ancrées dans leur temps, mais je pense que c'est un bon exemple de ce côté-là. Mais en même temps, de, on dirait que en dehors justement de souvenirs, on n'a pas toujours le réflexe de revenir, tu sais, Peyo, les Schtroums, ça reste des albums, ouais. Mais c'est dans, dans l'idée de la BD jeunesse qu'on se fait de... Puis pourtant... C'est des petits Mickey, mais ça, ça rentre un peu dans... Alors que, pourtant justement, ouais. c'est bien équilibré, je veux dire, c'est bien dosé, c'est maîtrisé, c'est puis, je veux dire, c'est le premier album d'une série, puis déjà, on a l'ambiance de la série, c'est clair. Je me suis mis à délirer un peu quand je les relisais, tu sais, tout ça, parce que, bon, moi, je cacherais pas, quand j'étais jeune, mes séries cultes en bande dessinée, c'était Joël, Pierre-Louis et Torgal, tu sais. Là, vous allez dire qu'est-ce que mes parents leur passaient par la tête, mais la censure, c'était pas très fort chez nous. Donc, c'était un peu... On voit ce que ça donnait. Oui. C'était un peu au centre de ma pseudo-vocation d'historien. Je dis pseudo parce que je travaille pas là-dedans, mais bon. Mais là, je lisais Joël Pierre-Louis, puis là, j'étais dans le délire, parce que je me disais, ah, il va même payer haut. Il doit pas y avoir pensé, c'est sûr, mais je trouvais que sa représentation du Moyen-Âge fitait même avec... la représentation que les jeunes du Moyen-Âge se faisaient du temps, c'est-à-dire un temps statique qui, comme pendant un millénaire, pareil. T'sais, c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on faisait d'Alexandre le Grand ou de César des chevaliers dans leur tête. Le monde a été créé immuable. Et Joël et Pierre-Louis, la série, elle est intemporelle. On ne sait pas à quel moment nécessairement ça se situe dans le millénaire médiéval. Mais c'est forcément féodal, mais en même temps, il y a un album où il y a des Vikings, puis Johan dit, ah, ils ont brûlé Paris dans le temps, mais c'est-tu dans le temps, il y a un siècle où c'était, genre, il y a quelques années, tu sais, c'est, puis en même temps, ça fit. On se retrouve en fait un peu avec le même phénomène que j'avais déjà souligné en Antiquité, parce que c'est un peu la même chose, hein, surtout quand on prend, par exemple, bon, l'Égypte ancienne, ça a duré 4000 ans. Ouais. Ben, dans l'esprit des gens, c'est toujours la même pyramide. La même affaire, là, tu sais. Donc, c'est sûr que le Moyen-Âge, qui a duré lui aussi un bon millier d'années, je veux dire, il y en a eu des évolutions, des époques, des changements, là. Marco, avant de se lancer vers le prochain titre, tu avais parlé tantôt de l'école de Maricel. C'est dans le fond, c'est un quartier, c'est une ville. Ouais, en fait, c'est ça. On a donné des noms à des styles de bande dessinée comme, rappelez-vous, La Ligne Claire, qui étaient les héritiers de ce que Hergé faisait. Mais il existait une école. En fait, c'est deux écoles. Il y a l'école franco-belge, mais qui portait surtout le nom de l'école de Maricel, qui était un quartier en Belgique, à Bruxelles, qui était un quartier où là avaient les bureaux du journal Spirou. Alors, tous les dessinateurs du journal Spirou qui œuvraient pour le journal comme Peyot, Maurice et tous les autres, Jigé et tout ça, faisaient partie de cette école-là. Après ça, on a appelé ça l'école de Maricel ou l'école de franco-belge. Alors, on ferme la parenthèse et on regarde Maître Édouard. Bien entendu. Oui, on parlait de Joël et Pierre-Louis. Mais en fait, justement, et point à porter en la comparaison, justement, avec notre prochain album, ben, c'est que dans Joël et Pierre-Louis, on parlait justement de cet imaginaire du Moyen-Âge, cette espèce de grand Moyen-Âge imaginé, duquel on tire cette petite histoire. Alors que si on prend, par exemple, Jeanne, avec Barbe Bleue, eh ben là, on a vraiment une époque, une année, en fait, même, carrément, là, je veux dire, on est hyper pointu dans le contexte, dans l'histoire, les personnages, bien sûr, qui ont tous existé, bon, à part Jeanne, mais bon, on s'entend. Mais, en même temps, ce que je trouve fabuleux, c'est que, au-delà de cette historicité-là, de ce travail, reste que le personnage, lui, va en fait déborder de tout ça et va devenir la légende. En fait, Barbe Bleue va devenir une image qui va transcender même Gilles Doré lui-même et qui va devenir l'exemple même, bon, du meurtrier, du satyre. Parce qu'on appelle la série Jeanne, mais sincèrement, c'est plus Gilles Doré qu'autre chose. Jeanne qui est plus un témoin, obsédé un peu par ses cathédrales, oui, ses trucs de son côté. Bon, qui essaye de faire un peu la morale, mais au-delà de ça, bon, le personnage qui est actif, qui est intéressant, c'est Gilles Doré. Et je dirais même, pour justement un intérêt historien moi-même, c'est toujours justement personnage que je trouvais profondément troublant, profondément étrange, parce que justement, en disant, mais putain, c'est un compagnon de Jeanne d'Arc, c'est un gars qui s'est combattu auprès de pratiquement d'une sainte, en fait. Mais c'est ce qui m'amène toujours à me demander à quel point on a noirci des fois le portrait. C'est rappelé d'ailleurs dans l'album, hein. Il y a une scène que je trouve intéressante où on montre, d'ailleurs Jacques Martin en profite pour montrer la tradition théâtrale du Moyen-Âge. Mmh. Puis là, on refait la scène de Jeanne d'Arc, puis Barbe Bleue est là avec ses deux mignons, là, ses deux jeunes adolescents qui manifestement sont pas juste là pour la parure. Donc, vous allez voir, c'est intéressant. Mais encore une fois, et je prends par exemple, Elizabeth Bathory, c'est la même chose. Il y en a de plus en plus de gens qui se disent, ouais, bon, c'est... Il y a peut-être eu des choses, mais en même temps, vu le contexte, vu tous les intérêts qui voulaient s'emparer de son pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas eu justement une cabale, un noircissement du portrait, et est-ce que c'est pas essentiellement la même chose qui arrive? Parce que c'est un maréchal de France, là, tu sais, qui avait quand même bien des ennemis, là. Mais au-delà des considérations historiques, en fait, ce qui me fascine dans cet album-là, c'est les nuances de gris qui est à l'intérieur, parce que, je veux dire, Gilles de Rais, on disait tantôt, c'est pratiquement le personnage principal. On nous le rend à la fois sympathique et diabolique. Il fait des choses absolument terribles, mais on réussit à rendre le charisme qu'il avait, l'attraction qu'il avait sur les pages. Aussi, c'est un personnage qui est complexe, et sincèrement, à voir la couverture, puis à ne pas connaître la série Gêne, je ne m'attendais pas à ce degré de nuance-là. Ouais. Effectivement, c'est assez remarquable. C'est pour ça que je faisais une différence avec Alix. On n'est pas dans le même genre. Et Jean, Jean, il n'est pas constant comme héros. Tout à fait. Et à un moment donné, il pète une coche. Là, il est colérique et tout ça. Et là, l'autre moment d'après, il y a de l'air du... Tu sais, il y a quelque chose de définition du héros. C'est pour ça que, effectivement, ça semble être une constante. On est perdu à savoir qui est le héros à lequel je dois m'identifier, tout ça. Parce que, bon, effectivement, Gilles de Rais a des drôles de... Il y a des drôles d'images qui... Jean comme tel, et de mémoire, j'ai relu celui-là, Barbe Bleue, mais j'avais lu quelques autres des... J'ai pas tout lu la série, j'ai lu quelques autres, j'arrive pas à me rappeler. Ouais. Jean, comment il était comme héros. Il se pose vraiment. Je me rappelle plus des Alix, je me rappelle des Lefranc. Je parle en général de la vision qu'a Jacques Martin de l'histoire, là, quand il installe ses séries. Lefranc est un reporter au 20e siècle, Alix est dans la Rome antique. Et là, je pense que ses héros étaient beaucoup plus définis que ça. Oui. D'ailleurs, je trouve que ce que ça montre, cet album-là, c'est une des grandes qualités de Jacques Martin, peu importe la série qu'il fait, c'est l'attention au détail. Et dans Jean, il veut pas méprendre, il veut pas faire à croire aux gens que c'était une époque glorieuse. Et Jean représente très bien ça. Ça, c'est ma lecture, évidemment, là. Mais Jean représente très bien ça. Il arrive donc chez la paysanne et il se fait offrir une gueuse pour passer la nuit. Mais pour lui, c'est normal. Mais en même temps, on vit une époque terrible, celle où les paysans sont prêts à vendre leurs enfants au Seigneur. C'est ce qui arrive carrément. Mais c'est un personnage de son époque. L'époque est telle qu'elle. Puis on dirait que Martin essaye de ne pas porter de jugement, en fait, sur ce qu'il voit, ce qu'il nous montre. C'est l'impression que ça m'a donné. Tu sais, dans Alix, en même temps, c'est peut-être aussi une question de je sais pas, encore une fois, d'historicité. Je veux dire, Alix, c'est le personnage principal, il est central, il vit des aventures. Des traces de la Rome ancienne, on en a, mais on n'en a pas tant que ça. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un jeune Gaulois qui s'appelait Alix, qui aurait évolué? L'époque de Gilles de Rais, évidemment, Jeanne n'est pas un personnage de l'époque de Gilles de Rais. Il se pose vraiment plus quasiment comme en témoin, en narrateur, vraiment, celui qui est un petit peu dans l'ombre de la chose, mais qui nous permet justement de relater cette histoire-là. En fait, l'a priori historique force à ce que le personnage témoin ne soit qu'un témoin, finalement, puis puisse pas nécessairement se retrouver dans un rôle actif. Et ça aurait pas été la même chose si, par exemple, le narrateur, ton personnage principal, justement, est Gilles de Rais, parce que si c'est lui qui raconte sa propre histoire, évidemment, on biaise toute sa vision des choses. Et je tiens à dire que d'ailleurs, c'est pas juste dans cet album-là qu'on voit Jules Dallaire. C'est le meilleur ami de Jean, en fait. Il est présenté comme étant le meilleur ami de Jean là, dans la série. C'est déjà en partant. Bon, ben, Jacques Martin a eu le mérite de vouloir affronter ce sujet-là de face, là, quand même. De manière assez directe. Dans un contexte assez verbeux aussi, là, c'est une série très dialoguée. C'est Jacob, Martin, tout ça, là, toute sa gang-là, là, c'était verbeux. et même, je dirais que sans avoir nécessairement besoin d'un cours d'histoire de France, mais tu sais, je comprends pourquoi ça s'adresse à un lectorat un petit peu plus vieux. Tu passais par tes premiers cours d'histoire, enfin, et tu étais capable de contextualiser un petit peu plus où ça se plaçait, bien sûr, parce que... faut suivre, là, quand même. Puis on se retrouve un peu dans l'évolution du contexte où, en fait, pour reprendre un peu et pour rappeler ce que tu disais tantôt, Marco, ben, où on part d'une absence de détails à des albums historiques qui sont beaucoup plus ancrés dans leur contexte. Puis visuellement, effectivement, le dessin de Players me fait le même effet que quand t'as mes lunettes, je m'aperçois, puis je les nettoie et je les remets, là, fait, oh, wow! quand je lis. Quand je regarde les albums de Player, en fait, c'est dans tous les étudiants de Martin, tous les émules qu'il a eu, tous les dauphins qu'il a eu au niveau du dessin, je parle. Celui-là est vraiment spécifique à ce détail-là, la lumière. Il y a quelque chose dans les détails de lumineux. Gilles Chaillet, qui a été un des derniers de Martin du vivant, de Martin avec son Vasco et tout. Bon, c'est moins propre. Là, c'est vraiment propre. Tu sais, on parle d'un Moyen-Âge, tu sais, c'est clean, là. Ça n'a rien à voir avec ce que Herman fait avec les tours de Bois-Maurie, là. Et il me fait cet effet-là. Alors, en étant propre et lumineux de même, effectivement, les détails ressortent. Tu regardes les vitraux des églises et des cathédrales, tu fais « wow ». Tu peux compter vite là, dans le petit dessin. D'ailleurs, là où Peyo, des fois, se permet des cases où on voit juste le personnage. Oh, ouais. Martin, tu vois. C'est toute l'époque qui est comme ça aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme montrer. Tu sais, Peyo, c'était montrer les valeurs chevalières et tout. Et tandis que l'autre, le détail historique, le situer dans. Tu sais, pour Martin, c'est de situer c'est dans plus le. Important, ouais, Le fait de choisir un personnage historique qui a existé. Ouais. Tu sais, c'est l'effet qu'Hugo Pratt quand il fait Corto Maltese. Ouais. Quand tu fais Corto Maltese n'a pas existé. Mais si tu l'insères dans un fait historique avec des personnages historiques qui ont vraiment existé et là, à un moment donné, t'as un doute, là. Ah, Corto, as-tu vraiment existé? Alors, Jean, c'est cet effet-là que ça donne. Et en plus, si tu l'installes dans des décors détaillés, avec les cathédrales, l'architecture et tout, puis là t'es sûr que ça amène une espèce de crédibilité. Et c'est comme, en fait, je veux dire, quand on regarde les différentes approches, puisqu'on est un peu là-dessus aussi au bout du compte, dans le fond, donc d'un côté, il y a un médiéval fantasmé auquel on a commencé avec Peyo. Dans le fond, on y va avec une vision idéalisée, un peu années 50, cinématographique, du médiéval. Ensuite, il y a toute une tangente du réalisme qui mène aussi tranquillement vers un certain hyper-réalisme, d'une certaine façon, au fil du temps. Mais en parallèle, on revient aussi un peu, puis ça nous amène peut-être un peu aussi en pré-transition, mais que ce soit Advocatus Diaboli. Non, mais vas-y, vole-moi ma place. Que ce soit Advocatus Diaboli ou L'Âge d'or, pour moi, on retourne un peu vers un médiéval fantasmé, mais par le biais peut-être d'une certaine représentation poétique à la limite. Mais j'abonde en fait dans ton sens, puis je pense même au-delà de fantasmé, je pense que c'est le symbolisme religieux, hein, parce qu'évidemment, le Moyen-Âge, on ne peut pas le désolidariser de l'Église. C'est essentiel. L'omniprésence de l'Église, mais aussi tout ce que ça instaurait comme. Justement, comme croyance, comme pensée, comme façon d'entrevoir ou d'expliquer les choses. Et c'est ce qui est intéressant avec le phénomène bon des reliques, le sueur de Turin étant peut-être une des plus connues, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg du commerce des reliques et de tout ça. Mais et ce qui est intéressant, c'est que même, je pense que même à l'époque, il y a des gens qui devaient pas être dupes. À un moment donné, je veux dire, quand ta commande, quand tu demandes au monastère du coin d'améliorer un peu ou de reproduire le truc, ben, tu sais bien que c'est pas la vraie relique. Mais ce qui compte, un peu comme pour un placebo, c'est l'effet que ça va avoir. C'est le fait que, par exemple, si tu montes ton faux sueur en étendard et tu le donnes à Geoffroy de Charny qui se promène devant ses hommes, à la guerre. Ben lui, il va inspirer les hommes qui vont voir ça et qui vont se dire, ben c'est le vrai Sueur de Turin. Et la façon dont, justement, donc Christian Canel fait le parallèle entre notre époque et le Moyen-Âge, ben tout repose là-dessus, justement, ouais, sur... Vrai. Il y a une question d'acte de foi, tu sais, dans tout ça. Là. Enfin, une époque de symboles, puis une époque où on cherche perpétuellement des symboles, puis oui, on n'a plus oui, nécessairement. Mais c'est qu'au-delà de ça, que l'on prouve ou non la véracité du truc, on va toujours avoir des gens pour qui le symbole est plus fort que la véracité des choses. Mm-hmm. Et comme mais dans l'ère de la post-vérité, dans le fond, tu sais, veux pas, c'est ça. Exactement. On se retrouve un peu là-dedans où le côté factuel n'est plus aussi important aujourd'hui en 2018. Qu'il pouvait l'être il y a une vingtaine d'années, où, dans le fond, les faits étaient quelque chose de rationnel, de cohérent, de fixe. Et aujourd'hui, dans le fond, les faits n'existent plus. Donc, on est dans la post-vérité. Dans l'album, va jusqu'à dire que les premiers scientifiques qui ont été attachés à l'étude du Sueur de Turin dans les années 80, leur étude a été discréditée en grande partie parce qu'ils étaient plusieurs à avoir officiellement la foi et ils l'ont dit. Donc, ça a suffi à discréditer l'étude. Hein. Du moins, c'est de la manière dont Christian en parle, là, effectivement. Alors que la portion médiévale, comme tu le fais remarquer, là, c'est constamment des actes de foi, c'est vrai. C'est bien dit, ça, je trouve. Mm-hmm. Oui, mais tout reposait là-dessus. On pense aux croisades, des choses comme ça. Je veux bien croire que oui, tu avais chance d'avoir une meilleure vie, d'avoir des richesses, mais tu ne peux pas expliquer et comprendre cette époque-là sans avoir cette omniprésence-là. Les gens expliquaient le monde par et pour Dieu. Puis ça m'obsède parce que, bon, j'avais lu l'adaptation il n'y a pas longtemps de Entrer dans la danse, le roman de Jean Teulé, où c'est de la fameuse danse de Saint-Guy qui est dans le beaucoup plus tard au Moyen-Âge. Mais encore une fois, les théories actuelles, c'est que comme tout s'explique par Dieu, quand Dieu ne répond pas à nos prières, ben on est complètement dans un désarroi qui n'a plus de réponse, qui n'a plus de fin, donc on y répond comme on peut, avec la peur, et puis là, rajouter à ça, bien sûr, la guerre de 100 ans, la grande peste, le commerce des reliques, la corruption de l'Église. Je trouve que c'est un aspect intéressant de l'album, d'ailleurs, qui fait très bien un lien entre le Barbe Bleue de Martin avec son hyper-réalisme, puis après ça, l'âge d'or, où lui, on est carrément dans un univers fictionnel, là, manifestement. Canel, malgré l'aspect très symbolique de son dessin, de son approche visuelle, nous met en scène des éléments véridiques. Hein? Les personnages ont déjà existé. Les événements dont elle fait part se sont déjà déroulés. Donc, il y a quand même un ancrage dans la réalité, même si ses chevaliers visuellement pourraient jouer dans un band de black metal. Et d'ailleurs, c'est un aspect que moi, évidemment, j'aime beaucoup dans cet album-là. C'est l'aspect graphique d'une page à l'autre. C'est magnifique. Oui, tout à fait. En fait, tu parlais des transitions. Je regardais ça, mais à quoi ça me faisait penser? Tu sais, c'est comme les scènes présentes, les scientifiques, les trucs, et les scènes sont, comme tu disais, ils sont accrochés par la narration. C'est comme si quelqu'un réfléchissait à la chose les yeux ouverts et les yeux fermés. C'est-à-dire que, supposons que tu regardes le documentaire sur le Saint-Sueur de Turin. On voit les scientifiques, on voit les et tu fermes les yeux et tu imagines les chevaliers. Quel poète, hein? Oui. Et tu imagines les chevaliers, tu ouvres les yeux et tu vois un avion dans les... Oui, c'est bien dit. Alors, en termes de transition, je pense que tu ne vois pas le mieux le résumé que ça. Effectivement. En fait, le génie de Christian là-dedans a été de mettre ces deux univers-là façon artistique parce que cette démarche artistique là elle est presque parfaite dans la narration. Bon, je reviens toujours à ça, la narration, mais c'est important. Et moi, ça me faisait cet effet là avoir pourquoi justement son Moyen-Âge est il tire son imaginaire de presque du heavy metal, presque c'est un imaginaire qu'on a parce que on a On a des images de chevaliers seulement que sur des peintures, sur des tapisseries, sur ce qu'on en a fait. Et plus ça avance, moins notre imaginaire des chevaliers est sur des peintures, et plus sur la télé, plus des séries télé, et plus des vidéoclips qu'en a fait des musiciens. En fait, la culture populaire s'est réappropriée. Voilà. Alors, celui qui regarde le documentaire, ben c'est ça, son image, et puis son Moyen-Âge. Dans ce qu'il connaît. Et pourtant, Kenel a fait une recherche documentaire pour le faire. Premièrement, il met sa bibliographie à la fin, ce qui est fort intéressant. Et il y a des éléments qui fait très bien, même au niveau symbolique, dans l'esprit médiéval. Hein, je parlais tantôt, là, les représentations animalières des personnages qu'on a faites jusqu'à très tard. Là, La Fontaine, le faisait avec ses fables. C'est l'idée que c'est des humains, mais on les représente en animal parce que tout le monde à l'époque catchait le symbolisme qui n'est plus notre cas maintenant. Mais là-dedans, le renard qui est un héros rusé, le lapin qui est une figure de traîtrise au Moyen-Âge. Oui, mais en fait, si on pousse un peu ce que je disais tantôt, dans le fond, on a la réalité fantasmée, on a la réalité, c'est vraiment l'ouverture vers le symbolisme de ce côté-là. Donc, une réalité symbolique qui est exacerbée par après, dans l'âge d'or, mais ici qui est très présente ou très rattachée, très groundée dans le réel. Et j'ai l'impression justement que la force des symboles qui l'amène, entre autres, dans la sphère médiévale, aurait moins une aussi forte portée si son réel était ancré dans le réel, parce que au-delà des animaux, de la présence justement de personnages animaliers qui servent un peu à ces transitions-là aussi, il y a quand même quelque chose de très réaliste, de très quotidien dans les moments actuels où on n'est pas dans des grandes batailles, où on n'est pas dans des effusions de sang, dans du noir, dans des personnages un peu métalliques, justement, pour reprendre le terme. On est dans quelque chose de très classique, je veux dire, la petite fille qui est couchée, les querelles d'enfance, le chercheur, le tour en véhicule. Donc, Et moi, je trouve que c'est un album qui est très satisfaisant à lire, dans le sens que il demande un effort au lecteur, un effort qui est payant, selon moi. C'est que son récit, il l'a pas construit de manière linéaire. Il se promène constamment dans le temps, puis il y a beaucoup de non-dits. L'auteur, à la fin, ne tranche pas sur est-ce que le sueur de Turin, c'est vrai ou pas. Donc tout est pour que le lecteur lui-même construise le récit à travers l'image et le texte. En tout cas, c'est un album qui est vraiment très intéressant à lire. Puis, en fait, je reviens sur les transitions aussi que Marco mentionnait. C'est ça fait que c'est un album qui se lit facilement. En fait, je veux dire, on passe de pratiquement 1000 ans entre une époque à une autre, et ça se fait. On s'en rend à peine compte. Je veux dire, dans même image, oups, on bascule tout doucement. Comme si on était dans la tête de quelqu'un avec cette pensée en continu. Ben, c'est l'effet un peu quand tu parlais justement de se fermer les yeux. Puis en plus, bon, on disait, justement, Christian Canel aime bien le métal et tout. Ben, je pense que vous avez vraiment mis le doigt là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme on a notre récit moderne autour du soir, et quand Canel se ferme les yeux, voici le Moyen-Âge qu'il voit. On remarque voici le Moyen-Âge que lui voit. Les images n'ont pas de support. Hein? Il y a des couleurs comme dans le fond, mais il n'y a pas de support de cases et tout. Elle a semble être comme... Oui, il y a même des pages qui ne semblent pas être de la bande dessinée, où il n'y a pas de séquence, ça reste une œuvre d'art. Voilà. C'est magnifique. Là. Je sens la transition qui s'en vient. Je veux quand même faire deux... Ça pue la transition. Ça sent la transition à plein nez. C'est parce que c'est un élément quand même, je trouve, important. C'est un artiste qu'on connaît encore peu, Christian Canel, mais qui est très, très talentueux. Premièrement, là, les quelques personnes qui peuvent le suivre sur Facebook peuvent avoir eu la chance de voir, il fait un travail qui s'annonce vraiment intéressant sur Lovecraft. Il ne veut pas qu'on parle de quoi il s'agit. C'est qui ça, Lovecraft? C'est à cause de lui que je prends des pilules. donc, non seulement ça, puis on espère qu'il va réussir à trouver preneur pour ce récit-là. Mais je veux quand même mentionner, excusez-moi, c'est mon moment, tout le monde en parle. Christian Canel est au festival BD Images en fin de semaine à Place 4 Bourgeois. Donc, c'est une occasion de le rencontrer parce qu'en plus, c'est un type extrêmement sympathique. Donc, ça, c'est le 26-27 octobre. Ouais, à compter de demain. Pour enchaîner, bien sûr, sur notre dernier album, parce que Tempus Fugit, comme disaient nos vieux amis les Romains, ou au Moyen-Âge, on parlait latin au Moyen-Âge, un peu partout. Parce que justement, on est dans l'imaginaire, on est dans la fresque, et pour bien finir avec la grande fresque, et je pense que de toute façon, Jérôme l'avait bien cerné dès le départ avec Cyril Pedrosa, on est dans la tapisserie, on est dans ce mouvement qui se perpétue dans quatre ou cinq vignettes à l'intérieur d'une même page, d'une même case. On pourrait pourrait bien sûr déblatérer, je pense, pendant une heure juste de cette juste extrême maîtrise qu'il a, qui est... Bon, à quelque part, moi, ça me rappelait un peu les vieux Disney, mais en même temps avec un traitement plus adulte. Mais même quand j'ai abordé, moi, parce que bon, j'avais vraiment l'impression, j'ai eu l'impression d'avoir une histoire d'abord de Disney. Et bon, assez rapidement, avec la dynamique des paysans et tout, on découvre qu'on va être assez loin de, ça. Mais reste que c'est encore aussi, c'est l'idéal justement de cet âge d'or, de cette espèce de bonheur pour tous et qui est inévitablement rattrapé par la réalité des choses, c'est-à-dire que qui dit révolution, qui dit révolte, dit rarement une transition qui est tranquille et qui ne se fait pas. Ça, je veux dire, ça implique toujours évidemment du sang, de l'injustice. Mais c'est un récit éminemment politique, en fait, parce que il y a trois types de gouvernance, au bout du compte, qui sont proposés. Donc, la gouvernance classique, la monarchie, il y a, sinon, la révolte, donc le pouvoir par le peuple, et il y a la figure de la princesse, dans le fond, qui est entre les deux, et qui balance, qui ne sait pas, et on va découvrir, évidemment, dans le tome 2, qu'est-ce qu'elle va éventuellement proposer. Et à ça, on ajoute la quête de l'idéal, de l'âge d'or, qui est un peu en filigrane là-dessus, mais on est dans une tapisserie absolument superbe. En fait, je peux pas... Il y a pas de mots pour dire à quel point cet album-là est beau. Sincèrement, ça, c'est magnifique. Comme je dis, on pourra parler des heures et des heures. Et à ça, on ajoute, dans le fond, quand même un tonus au niveau philosophique, au niveau réflectif, où on a un débat social réel qui est exprimé là-dedans et qui, à travers les débats politiques modernes, ben, a aussi des résonances. Je veux dire, on se pose encore la question de la gouvernance idéale. Entre autres, les scènes qui durent très longtemps, c'est pas juste une scène, il y a plusieurs scènes, mais le moment où il se trouve dans un genre de... Ben, c'est pas un monastère, mais l'endroit où il y a que des femmes qui font toutes par elles-mêmes. Donc, le rêve de... Je ne sais combien de survivalistes maintenant de nos jours qui vivent toutes... ces femmes vivent sans avoir besoin d'hommes. Elles construisent toutes ce dont elles ont besoin et cultivent ce qu'elles mangent. Donc, c'est juste cet élément-là. On a d'autres choses. Là. On a un autre élément qui n'est pas politique purement, là, mais... Ben, qui est un idéal, en fond. Comme tout ce qui est présenté dans la BD. Parce que, c'est divers. Mais eux, c'est un univers apolitique dans le sens qu'on sent, malgré le fait qu'il y a une personnage qui est plus influente que les autres, qu'ils n'ont pas de gouvernement en tant que tel. Lui va chercher, avec cette histoire-là, il va chercher un élément aussi... peut-être oublié des deux autres, c'est la quête, parce que la princesse n'est pas en quête. Carrément, là. Oui. La quête. En exil, même. La quête médiévale classique. Ouais, mais tu sais, la croisade. Incontournable. La croisade. Incontournable, la quête, oui. Peut-être, c'est dans le Peyo, il l'a peut-être, mais. Non, dans pas les tant, deux non. Autres, le Peyo, on est plus dans, ben, fait, dans les albums proposés. On est dans une enquête policière, on est dans une espèce là, de huis clos. On est dans... C'est ça. Alors, dans celui-là, l'âge d'or, on revient à la quête. C'est vrai. Et trouver le bien installé dès le départ. La princesse avec vouloir reprendre le pouvoir. Et comment elle se perçoit, c'est ça, ses visions un peu à la Jeanne d'Arc, où elle se dit, bon, je vais t'appeler un quelconque dessin qui va troubler le royaume et qui va... Non, c'est tout à fait vrai. Puis, même son évolution psychologique qui commence à être troublante. Oui, aussi, là, qui prend des drôles de directions, mais elle, et puis bon, le Bertil aussi, le jeune bon chevalier qui est en train de mettre un peu en perspective, justement, sa position, que tous les personnages, d'ailleurs, dans cet album-là sont très beaux. Ben, et vivent, justement, chacun confronté à cette espèce de nouvelle idéal-là, de dire « Ah, oh, on avait peut-être une possibilité, parce que même Tancrède, qui est quand même un très beau personnage, un type super gentil, mais on se rend compte que, comme tu le disais, c'est un gars de son époque, pour lui, il y a cette division sociale-là. » C'est sa classe. C'est ça, là, c'est comme ça que ça marche. Là. Ouais. Mais est-ce que lui va venir vers autre chose, va s'ouvrir vers... Donc, ça va d'ailleurs, j'aime beaucoup l'ouverture de l'album qui montre vraiment très rapidement le contexte politique du Moyen-Âge. On voit donc dans une très grande case d'une page la scène du seigneur qui est en train de chasser, et parallèlement à ça, des paysans, des gueux, là, si j'ose dire, qui sont en train de raconter une histoire d'un type qui s'est fait couper le nez par son seigneur, parce qu'il a, oh mon Dieu, osé prendre le gibier du seigneur. Donc, juste en ces quelques planches-là, qui sont visuellement très belles, on parle de quelqu'un qui fait juste raconter une histoire, mais visuellement, c'est écœurant, comme on dit. On vient de mettre la table sur c'est quoi le contexte politique tout à fait de cet album. Non, il y a une efficacité, une maîtrise. En fait, je veux dire, Pedroza et Morel réussissent un beau tour de force. En fait, je pense que c'est dans nos coups de cœur 2019-2018. Pedroza, il est dans mon coup de cœur depuis qu'il est commencé à faire de la BD. Alors, alors Marco Duchesne, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Édouard Tremblay, merci beaucoup. Un grand plaisir. Jérôme Vermette, merci beaucoup. Ben, je viens après les autres, mais c'est un très grand plaisir aussi. Et merci pour la sélection, d'ailleurs. Et le mois prochain, je pense, c'est Édouard. Oui, tout à fait. Alors, on découvrira dans les prochaines semaines, et on va l'annoncer évidemment sur Facebook et sur le blog. Qu'est-ce que vont faire les Japonais? Les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Je pourrais déjà vous l'annoncer, je vais vous laisser... supposé à la place. Alors, merci beaucoup à vous trois. Merci à vous à la maison d'avoir été à l'écoute. C'était Raymond Poirier au micro. On vous souhaite donc une très bonne soirée, une très bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.